Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous allons consacrer la première demi-heure de l'émission à la thérapie génique et son utilisation pour traiter de certaines maladies héréditaires. Alors c'est le sujet de notre chroniqueur Bruno Gaillet qui est professeur au département de génie chimique et pour mieux en parler, il reçoit le professeur Jacques Tremblay qui est professeur à la faculté de médecine à l'Université Laval. Bonjour Bruno. Bonjour Valérie. Bonjour Monsieur Tremblay. Ben aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Jacques Tremblay, donc un éminent scientifique dans le domaine de la thérapie cellulaire et de la thérapie génique à l'échelle internationale. Donc, professeur Tremblay, comme vous l'avez dit Valérie, professeur à la faculté de médecine de l'Université Laval, il est également chercheur au CHUL et dirige une importante équipe de recherche. Donc, je vais laisser la parole au professeur Tremblay pour présenter un peu son équipe de recherche et ensuite quelques aspects au niveau de la thérapie génique. Ok. Alors, écoutez, je suis en recherche. J'ai fait d'abord mon bac à l'Université McGill. J'ai terminé ça en 1970. Et par la suite, j'ai été faire un doctorat à San Diego, en Californie. Et je suis à Québec depuis donc 1974. Et j'ai été d'abord postdoc dans le laboratoire du docteur Louis Poirier à l'hôpital Enfant-Jésus. Et par la suite, j'ai émigré vers le CHUL. Et donc, je suis professeur d'abord dans le département d'anatomie, puis maintenant dans le département qui s'appelle médecine moléculaire. Et c'est un département tout à fait approprié pour moi parce que c'est vraiment ce qu'on cherche à faire, c'est de développer des nouvelles thérapies. Mon équipe de recherche actuellement contient 5 assistants de recherche, 5 étudiants gradués, des postdocs, etc. Donc, c'est une équipe qui fonctionne assez bien, est en plein recrutement actuellement. Il y a plusieurs nouveaux étudiants qui vont se joindre au groupe. Donc, vous me parliez tantôt de thérapie génique. C'est quoi la thérapie génique? Bien, pour pouvoir parler de thérapie génique, il faut d'abord parler de c'est quoi le génome humain. Le génome humain, c'est en fait le code qui fait en sorte que ça fait en sorte qu'on a les yeux bruns, les cheveux blonds, etc. Toutes nos caractéristiques viennent de ce code génétique, qu'on ait la peau blanche ou la peau jaune, etc. Tout ça vient de notre code génétique. Ce code génétique-là, en fait, il est constitué de 4 produits chimiques. L'adénosine, la thymidine, la guanine, la cytosine. Et c'est la succession de ces 4 produits chimiques-là dans une molécule qu'on appelle de l'ADN qui est le code génétique. Mais en fait, ce code génétique-là, il est constitué d'une séquence de 6 milliards de ces 4 nucléotides-là. Alors, ça ressemble un peu au code qu'on a dans les ordinateurs. On a des 0 ou des 1. Ça ressemble aussi au code Morse qu'on avait, des codes longs puis des codes courts. Alors, au lieu d'avoir juste 2 symboles, 0 et 1, dans le code génétique, on a 4 lettres ou 4 produits chimiques. Donc, c'est quand même énorme, 6 milliards de nucléotides. Et au tout début, en 1990 déjà, on disait que c'était tellement complexe, le génome humain, que jamais on pourrait le séquencer. 6 milliards de nucléotides, on ne voit pas comment on pourrait séquencer ça. Et pourtant, en 2003, le séquençage du premier génome humain a été fait. Ça a coûté des milliards de dollars, mais ça a été fait. Et depuis ce temps-là, la technologie pour séquencer a énormément accéléré. On peut faire maintenant le séquençage d'un génome humain au complet en une semaine pour à peu près 1 000 $. Alors que ça a pris des années. Alors que ça a pris des années à beaucoup, beaucoup de laboratoires et ça a coûté 1 milliard de dollars de faire le premier. Alors vous voyez comment il y a une accélération fantastique de la technologie. Et donc, désormais, on peut séquencer des tas de génomes humains. En fait, on séquence aussi le génome des souris, le génome du blé, le génome du riz, etc. Et toutes ces informations-là sont très utiles pour pouvoir comprendre des maladies. En fait, le séquençage du génome humain a permis d'identifier des mutations. Et c'est quoi des mutations? C'est que parfois, il va exister des différences entre nos ADN. Donc, il y a des fois une des 4 lettres qui est changée. Il y a des fois que ces modifications-là ont peu d'importance. Ça fait en sorte que vous avez les cheveux blonds, j'ai les cheveux bruns, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des polymorphismes. Mais parfois, il y a d'autres fois, on va juste changer une de ces lettres-là, puis ça met fin à la synthèse d'une protéine ou ça fait en sorte que la protéine n'est pas fonctionnelle. Et là, on a une maladie génétique. Alors, des maladies génétiques qui sont dues à des mutations, comme ça, on appelle ça, lorsqu'il y a un seul gène qui est muté, on appelle ça une maladie monogénique. Et avec le séquençage du génome humain et cette capacité accrue de séquencer des gènes, on a maintenant identifié 7 000 maladies génétiques monogéniques. Donc, chacune de ces maladies-là, ce sont habituellement des maladies rares, c'est-à-dire des maladies qui affectent une personne sur 2000, 3000, ou même encore plus rarement que ça. Donc, c'est des maladies rares. Mais l'ensemble des maladies rares, ça commence à être pas rare. Mm. Ça représente 5 à 8 de la population humaine. Au Québec, entre autres, on a des bassins de population dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont des maladies rares avec une fréquence plus élevée à cause qu'il y a eu un nombre limité d'ancêtres qui ont été dans ces régions-là. Ils ont apporté dans leur génome des gènes qui étaient mutés puis les ont répandus dans cette population-là. Et donc, on a vraiment des... beaucoup de populations, un fort pourcentage de population au Saguenay qui ont des maladies rares. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est qu'il faut essayer de trouver une façon de guérir ces maladies rares-là. Et la façon auquel on pense, auquel je travaille, auquel de nombreux chercheurs travaillent, c'est de dire on va corriger le génome humain. Une des façons de corriger le génome humain, c'est d'apporter un gène au complet en compensation d'un gène qui est muté. Alors, un gène au complet, ben, ça peut être plus ou moins gros. Ça peut être 4000 nucléotides de longueur, ça peut être 100 000 nucléotides de longueur, dépendant, il y a des gènes qui sont petits, des gènes qui sont gros. Mais, donc, ce qu'on fait, c'est que on veut, il y a un gène qui est muté, qui fait qu'il y a une protéine qui n'est pas synthétisée ou la protéine est faite anormale. Une des façons, c'est de dire, on va introduire dans les cellules du patient un gène complet, qui code pour la bonne protéine, de sorte que la bonne protéine va être faite. Donc, c'est ça la thérapie génique. C'est ça. C'est un des aspects de la thérapie génique, de dire on va introduire le gène normal. Donc, on corrige le gène défectueux par un gène normal. On apporte un gène normal pour compenser pour le gène défectueux. La grosse difficulté, c'est comment on fait ça. On peut le faire dans des cellules assez facilement. On peut introduire des gènes, simplement une séquence d'ADN nu. On peut l'introduire dans des cellules. On peut augmenter cette introduction dans des cellules avec des produits chimiques. Bruno travaille là-dessus. Il y a des différentes techniques pour introduire des gènes dans les cellules. Mais lorsqu'on veut introduire les gènes dans les cellules des patients directement dans son corps, là, ça devient plus compliqué. Et le meilleur outil pour les chercheurs en thérapie génique pour introduire des gènes dans les cellules du corps du patient, c'est de se servir de virus. Les virus qu'on connaît très bien pour nous donner diverses maladies, ben on peut enlever des virus, simplement, c'est une séquence d'ADN entourée de protéines. C'est tout simplement ça, un virus. Alors, ce qu'on peut faire de nos jours, c'est d'enlever la séquence d'ADN qui est nuisible, qui fait en sorte que le virus nous donne des maladies. On enlève ça et puis on remplace ça par la séquence d'ADN qu'on veut, soit le gène qu'on veut introduire. Mais on garde à la surface du virus les mêmes protéines. C'est ces protéines-là qui font que le virus est capable de s'attacher à des cellules, puis est capable de pénétrer dans des cellules, puis d'introduire comme ça le gène qu'on veut faire. Sans transporter la maladie du virus. Ça. Au lieu de transporter la maladie, cette fois-ci, on transporte un gène normal. Et donc, il y a plusieurs virus qui ont été expérimentés, mais celui qui est le plus populaire actuellement, c'est un virus qui s'appelle l'adeno-associated virus. Il est très petit, 20 nanomètres de grosseur, peut contenir 4500 nucléotides seulement. Donc, il est limité dans la grandeur des gènes qu'on peut introduire avec ce vecteur-là. Par contre, il se rend partout. Il se rend dans le cerveau, il se rend dans le foie, il se rend dans tous les tissus. Donc, on peut se servir de ce virus-là pour introduire des gènes à des fins correctives. Et ça fonctionne très bien. Il y a déjà des maladies qui ont été guéries avec ce genre d'approche-là. Par exemple? Par exemple, l'hémophilie, qui est une maladie où les gens saignent parce qu'ils ont une défectuosité d'un facteur de coagulation qui s'appelle le facteur 9. Alors, il y a des 8-9 patients qui ont été traités comme ça. C'est tout à fait récent. C'est des études de phase 1. Donc, il y a quelques patients qui ont été traités avec un adénovirus, adeno-associated virus, codant pour le facteur 9. On a simplement injecté ce virus-là dans le sang des patients. Ce virus-là a été, entre autres, dans le foie des patients. Et il s'est intégré dans les cellules du foie des patients. Et puis là, il produit la protéine qui manque, le facteur 9. Et les patients n'ont plus ces segments abusifs. Ils n'ont pas besoin de prendre un facteur de coagulation parce que les patients qui ont été traités, c'était des patients qui étaient déjà avec une hémophilie très sévère. Même en prenant des protéines recombinantes, des facteurs 9 recombinants, ça ne satisfaisait pas à les empêcher de saigner. Donc, c'est un beau succès. Un autre succès, c'est que on peut guérir des patients qui ont une cécité héréditaire. Ça s'appelle l'amaurose de Leber. Et c'est des patients qui ne discernent pas la lumière, tout simplement parce que dans leur cellule de la rétine, il y a un gène qui est défectueux, qui fait qu'il y a une protéine qui est pas faite, qui est pas normale, et cette protéine-là ne peut pas participer à capter la lumière. Ces gens-là ne voient pas la lumière, sont aveugles depuis qu'ils sont nés. Alors, pour les guérir, ceux-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a injecté encore une fois un AAV contenant le gène. L'AAV, c'est l'adeno-associated virus. D'accord. Alors, donc, on a injecté un AAV simplement dans leurs yeux. Dans les yeux? Dans les yeux directement. Et le virus a été infecté, les cellules de la rétine, a permis donc d'introduire le gène pour coder pour la protéine normale. La protéine normale est faite et les gens voient la lumière. Ils ont dû être éblouis. Je ne sais pas. Mais écoutez, ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'on est rendu à ce que des aveugles voient. Ouais. C'est quelque chose qu'on entendait parler dans la Bible, mais là, c'est pas de la science-fiction. Là, c'est quelque chose qui se passe pour le vrai. Il y a des patients qui ont récupéré la vue avec un traitement comme celui-là. Donc, c'est vraiment fantastique. Une autre histoire à succès, c'est le traitement des enfants bulles. Tout le monde connaît ces enfants qui avaient un système immun déficitaire. Ils ne sont pas capables de combattre des infections par des bactéries, des virus. Et donc, ces enfants-là devaient vivre en complète isolation. Alors, soit qu'ils vivaient dans un appartement avec des fenêtres, puis ils pouvaient voir leur père puis leur mère à travers les fenêtres, ou ils vivaient vraiment dans une bulle qui se déplaçait avec eux autres. C'est pour ça qu'on les appelait des enfants bulles. Ces enfants-là, encore une fois, ils avaient juste un gène qui était défectueux dans des cellules souches hématopoïétiques. Et ces cellules souches hématopoïétiques, c'est des cellules qui forment tous les globules blancs, tous les globules rouges du sang. Toutes les cellules du sang sont formées par ces cellules souches hématopoïétiques. Alors, ce qu'on a fait dans le cas de ces patients-là, c'est qu'on a pris des cellules souches hématopoïétiques du patient, on les a mis en culture, on est capable de les proliférer en culture, on a introduit un gène avec un rétrovirus, une autre sorte de virus qui nous permet d'introduire des gènes, et ça, par la suite, on a remis les cellules avec le bon gène aux patients. Les patients sont guéris. Ils n'ont plus besoin de vivre en isolation. Ça comme change ça, la qualité de vie, ça. Et ça, c'est un succès qu'on a déjà pour plusieurs formes de maladies du système immun qui sont guéries les unes après les autres avec ce genre d'approche thérapeutique. Donc, c'est très prometteur. D'accord. Donc là, on a vu un peu un aperçu général de la thérapie génique et des applications qui fonctionnent. On va faire un petit répit musical très court et ensuite, on va peut-être voir ce qui se passe avec les maladies. Vous avez parlé qu'il y avait 7000 maladies, donc il y en a peut-être pour lesquelles on ne fait pas grand-chose, peut-être des problèmes de financement. Donc c'est ce qu'on va voir après, c'est ça? D'accord. Alors un petit pont musical sur CKRL au 89.1. Alors vous écoutez toujours CKRL au 89.1 et nous poursuivons avec le docteur Jacques Tremblay et Bruno Gaillet. Cette discussion sur la thérapie génique. Donc, on en était, je pense qu'on a parlé de quelques exemples de thérapie génique qui avaient bien fonctionné. Et peut-être qu'il faut se poser la question sur des maladies qui ne sont pas encore peut-être prises en compte parmi ces 7000 maladies héréditaires qui existent. Oui. Bien, actuellement, il y a beaucoup de ces maladies-là qui sont déjà à l'étape expérimentale, c'est-à-dire ce qu'on peut faire facilement de nos jours, c'est de créer des souris qui sont des modèles de ces maladies héréditaires. Et donc, je reviens justement d'un congrès qui a eu lieu à Salt Lake City, c'est American Society for Gene Therapy. Donc, il y a vraiment beaucoup de résultats encourageants dans des modèles de souris. Et donc, il y a plusieurs maladies qu'on dit on pourrait guérir ça chez les souris, donc on devrait être capable de guérir ça chez les humains. Une des grandes difficultés, c'est d'avoir le financement nécessaire pour faire ces genres d'essais-là chez les humains. Du moment qu'on parle de faire un essai chez les humains, les virus doivent être produits de façon très sécuritaire et ça augmente énormément les coûts. Et un essai clinique de phase 1 sur 10 patients, ça peut facilement coûter entre 1 et 2 millions de dollars. Donc, la grande difficulté qu'on a, c'est que souvent, les recherches sur les maladies rares sont financées par des fondations à but non lucratif, souvent faites de patients, d'amis des patients, etc., qui lèvent des sous pour la recherche. Et ces fondations-là peuvent fournir aux chercheurs des subventions de 100-120 000 $ par année. C'est mon cas pour le taxi de Fred Wright sur lequel je travaille. Mais ça va bien. C'est suffisamment d'argent pour qu'on puisse payer un assistant de recherche, payer les fournitures, puis faire avancer un projet. Mais par contre, quand on veut passer à l'essai clinique puis qu'on dit, regarde, ça va coûter 1-2 millions, là, les fondations disent, mais regarde, nous autres, on n'est pas capable de lever suffisamment d'argent pour ça. Donc, une solution possible, ce serait que les compagnies pharmaceutiques financent ce genre de choses-là. On pense souvent aux compagnies pharmaceutiques, mais les compagnies pharmaceutiques sont très hésitantes à investir dans des maladies monogéniques qui sont rares, parce qu'il n'y a pas de marché. Ben ouais, c'est... Donc, la seule solution, c'est vraiment que les gouvernements mettent plus d'argent sur la recherche sur les maladies rares. Alors, en Europe, déjà, les maladies rares ont un statut. Ils sont reconnus comme étant un problème qui affecte une bonne partie de la population. Alors, au lieu de dire que c'est une maladie rare, ça affecte une personne sur 2000, quand on a 7000 maladies rares, ça commence à être un problème national. Et donc, on a dit, il faut qu'on mette de l'argent pour les maladies rares. On a reconnu ce problème-là. On met des budgets en conséquence. Aux États-Unis, il existe aussi des programmes pour faciliter la recherche sur les maladies rares. Malheureusement, ça n'existe pas encore au Canada, ça n'existe pas encore au Québec. Et donc, c'est très difficile pour les chercheurs comme moi d'aller chercher de l'argent nécessaire pour pouvoir... pour l'instant, on fait des interviews à la radio. Pour essayer de convaincre, en fait, dans les prochaines journées, dans les prochaines semaines, on va avoir, entre autres, une rencontre avec le ministre de la Santé pour exposer au ministre de la Santé quels sont les problèmes de ce genre de recherche-là. Et comment vous verriez, on va dire, transposer ça à l'échelle mondiale, on va dire? Ouais. Bien, récemment, justement, comme les maladies rares, écoutez, les maladies orphelines, souvent, bien, il va y avoir des patients au Québec, il va y avoir les mêmes patients en France, il va y avoir les mêmes patients aux États-Unis. C'est un problème qui n'est pas seulement pour le Québec, quoiqu'il y a certaines maladies au Québec qu'on a plus fréquemment que d'autres pays, mais c'est quand même un problème mondial. Alors, pour essayer de répondre à ce problème-là, j'ai créé récemment le Consortium international de thérapie génique. C'est basé d'abord sur une lettre qu'on a publiée dans une revue scientifique où 50 experts en thérapie génique ont co-signé cette lettre-là pour dire qu'il faudrait qu'on ait plus de financement. On a beaucoup d'espoir qu'on est capable de développer des thérapies, mais on a besoin de plus de financement pour pousser ces recherches-là à l'avant. On a parlé tantôt à quel point le séquençage du génome humain, ça s'était accéléré. Bien, la même chose peut se produire pour le développement de thérapies géniques. Là. Au fur et à mesure qu'on guérit une maladie héréditaire, le même truc qu'on emploie peut s'appliquer à 100 autres maladies héréditaires. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, il va y avoir une accélération. Mais on a besoin de financement pour pouvoir faire avancer peut-être ce genre de recherche-là. Peut-être de mettre des ressources en commun pour chercher des outils communs, comme par exemple les virus dont vous parlez. Si on développe un virus qui va délivrer un ADN dans l'œil ou dans le foie, ça peut servir à plusieurs maladies, même c'est des maladies différentes. Et surtout si on développe, admettons, au Québec, un laboratoire qui est capable de produire ces virus-là dans des conditions telles qu'on peut les employer en essai clinique, ce serait bon. Parce que là, actuellement, au Québec, il n'y a aucun laboratoire qui est capable de fabriquer des virus dans des conditions qui sont employables chez l'humain. Okay. Il y a 2-3 laboratoires en Ontario, il y en a quelques-uns aux États-Unis, il y en a en Europe aussi, mais au Québec, on n'a rien. Donc, quand on veut essayer de développer des thérapies pour les maladies orphelines qui sont plus fréquentes au Québec, on n'a pas, il faut essayer de collaborer avec des chercheurs américains qui vont s'intéresser à ça. Et surtout, même quand il y a des chercheurs américains qui ont les facilités pour produire les vecteurs viraux, encore, il faut-il qu'on arrive avec l'argent, parce qu'ils me disent, oui, je veux bien te faire le virus dont tu as besoin pour ta maladie, mais il faut que tu m'apportes un budget d'à peu près 1 million pour que je puisse le faire. Donc, on a toujours ce problème de financement, en plus d'avoir le problème de ne pas avoir les infrastructures nécessaires. Ce qui est vraiment dommage, parce que quand on regarde au Québec, on a vraiment une très, très grande expertise en thérapie génique. Notamment, il y a le seul produit qui a été approuvé en Europe de thérapie génique, le seul au monde, a été développé ici au Québec. Ah ouais. C'est Guibera. Par un chercheur qui s'appelle Daniel Gaudet, qui est du Saguenay. Et Dr. Gaudet, comme il n'avait pas de financement au Québec pour faire son essai clinique, il a fait ses essais cliniques aux Pays-Bas. Et son produit est actuellement approuvé en Europe. Pour traitement, mais il n'est pas encore approuvé au Canada parce que les essais cliniques n'ont pas été faits au Canada. Alors, ça vous montre un peu cette... puis au Québec, on a déjà une association de thérapie génique du Québec. Ça regroupe une quarantaine de chercheurs québécois qui travaillent sur différents aspects de la thérapie génique. Il faut d'une part, des fois, produire des virus. D'autre fois, il faut essayer de construire des gènes, c'est-à-dire ce qu'on appelle la construction. Nous autres, c'est un peu comme des puzzles, là. On coupe des morceaux de séquences ici, on les colle avec une autre. C'est ce qu'on appelle faire des constructions de vecteurs. Donc, il y a beaucoup de chercheurs québécois qui s'intéressent à ça. Et si on avait davantage de financement, je suis sûr que beaucoup de ces chercheurs-là feraient le pas en avant de dire, ben, je vais appliquer ma technologie à des traitements de maladies plus concrètement. Mm-hmm. Est-ce que tu avais une autre question à poser, Bruno? Par rapport juste à vos recherches que vous faites en laboratoire, par exemple, par rapport à la dystrophie musculaire ou l'ataxie, vous voyez comment les perspectives par rapport à ces maladies-là? Ben, pour la dystrophie musculaire de Duchenne, ça fait beaucoup. Ça fait 25 ans que je travaille sur une thérapie cellulaire possible pour cette maladie-là. On a la permission actuellement de Santé Canada de faire une première étude clinique qui s'est terminée en 2005, où les cellules avaient été transplantées simplement dans 1 cm3 de muscle. On a eu des bons résultats, c'est-à-dire la protéine dans ce cas-là qui manquait, c'était la dystrophine. Et suite à nos transplantations de cellules, il y avait de la dystrophine dans les fibres musculaires des patients. On a maintenant la permission de faire une étude clinique de phase 1-2, où on voudrait injecter des cellules dans un muscle complet d'un patient pour avoir vérifié si on peut augmenter la force d'un muscle. On a la permission de Santé Canada de faire ça. On a une subvention d'une fondation en Ontario, à London, qui nous fournit 300 000 pour faire l'essai clinique, mais il nous manque à peu près un autre 600 000 pour faire l'essai clinique. Donc, c'est encore le même problème, toujours le problème de financement pour aller de l'avant avec les essais cliniques. Bien, on vous remercie beaucoup, professeur Tremblay, d'avoir accepté de participer à l'émission. Donc, Valérie, je te redonne la parole. Oui, merci beaucoup, Bruno. Puis donc, merci beaucoup, monsieur Tremblay. Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté de médecine à l'Université Laval. Alors, on va faire une pause publicitaire sur CKRL au 89.1 et au retour, on plonge dans les océans.